chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Jour 23, mine de rien. Il est 10h06. On est le 11 septembre. Oh merde, on est le 11 septembre. Et je suis devant le château de Noirmoutier. Voilà, Noirmoutier en Lille. Cette fois-ci bien la ville, pas juste l'île. Et très beau château. Très très beau château. Très très grand rempart. Hein, la vache. Et il devait se faire souvent attaquer ou il devait avoir très très peur de se faire attaquer parce qu'il y a vraiment des meurtrières. Mais tous les 1m50 ou tous les 2m quoi. Et sur deux étages. Donc c'est assez énorme en termes de possibilités et d'envie de défendre quoi. Donc je ne connais pas l'histoire des attaques qu'ils ont subies, mais ça devait être assez ouf pour vouloir faire ça quoi. Donc à côté on a une jolie église, mais en fait tout est en rénovation. Donc forcément ça gâche un peu le plaisir, mais c'est un très beau château, très clair, vous savez, un peu beige, une pierre beige comme ça, avec un revêtement un peu lisse, peut-être de la chaux ou je ne sais quoi, et quatre tours qui constituent le donjon. Et à côté, il y a quelques constructions, mais il y a surtout voilà, les remparts, et les constructions sont à côté aux remparts, quoi. Enfin, associées aux remparts. Donc ça devait être une petite fortification assez puissante, je pense. Évidemment qui domine le port, et je pense que du haut de la tour, on voit pas mal loin sur l'île. Île qui est vachement grande, en fait. Hein. Je pensais pas, enfin, sur la carte, on s'en rend bien compte, mais ça doit faire, je pense qu'il y a bien 30 km de long si on part, du continent, quoi. Donc en comptant la route qui la relie, qui relie l'île au continent... Ça doit être très très long, parce que là, ne serait-ce que j'ai déjà fait 10 km du camping au château. Donc c'est quand même assez loin, quoi. Et bon, en soi, j'avais pas l'impression d'être si loin que ça. Mais bon, soit. Ah là là, il est déjà 10h08. Et on va faire une grosse route aujourd'hui, j'espère. On va voir avec la chaleur, parce que on sent les températures monter assez rapidement. Et le plan, il fait déjà 22 degrés. Et le plan, ça serait quand même de rouler pas mal aujourd'hui et demain. Parce que j'aimerais bien trouver un abri pour quelques jours où je pourrais rester. Parce que j'ai vu que de mardi à vendredi prochain, là, on va avoir des chaleurs d'aujourd'hui jusqu'à lundi, mardi, quoi. Mais à partir de mardi, apparemment, là, il prévoit des orages assez balèzes. Ici, jusqu'à... Enfin, c'est mardi, mercredi, jeudi, et jeudi, vendredi, il pleut, quoi. Donc, pas ouf comme programme, mais il faut qu'on fasse avec. Mais du coup, j'aimerais bien trouver un abri où il y a des trucs cool à visiter, ou au moins être dans un endroit où je peux faire peu de route par jour. Du coup, je sais que du côté de La Rochelle, Rochefort, Royan, voilà, là-bas, il y a des trucs pas mal à voir. Donc si je peux me retrouver par là d'ici mardi, bah, ça peut être sympa. Comme ça, même s'il pleut, bah, je fais 30 km et puis je trouve un abri sympa et puis voilà. Ou alors, l'autre plan, c'est de foncer pour arriver à Bordeaux mardi ou mercredi, quoi. Mais ça c'est chaud parce que je crois que là il y a encore au moins 350 km quoi. Donc 350 km d'ici mardi avec les chaleurs, ça risque d'être compliqué, même si je pars tôt le matin. Bon là je me suis levé à 8h, je suis parti, il était 9h. Donc voilà, je me suis levé à 7h d'ailleurs. Donc je suis parti, il était 9h. J'ai pris mon petit déjeuner sur la plage, j'ai regardé le lever de soleil. Voilà. C'était sympa, c'était très sympa même. Il y a un monsieur tout nu qui allait se baigner, sans vergogne. Il s'est déshabillé à 10 mètres de moi. Ça va, j'ai vu que la lune. J'ai pas vu l'autre côté. Ah, ça y est, je suis sorti de Noirmoutier, la vache! C'était long. Il y avait 20 km pour arriver en dehors de l'île depuis le château. Ouais. Purée, en plus, je me suis gouré deux fois de route. Parce que c'était mal balisé. Oh là là, là c'était insupportable. Hein. En plus, la piste cyclable, à un moment, plus de piste cyclable pendant 3 km. Jusqu'ici, là où je suis, sur le territoire, sur le continent. Oh, il a fallu rouler avec les voitures, et puis les automobilistes comprennent pas. L'automobiliste ne sait pas lire les panneaux, surtout quand c'est pas des logos. Hein. Si c'est des lettres, l'automobiliste ne sait pas lire. Donc il ne sait pas lire quand c'est marqué « Prudence, cycliste sur la route pendant les travaux », parce qu'il y avait des travaux sur la piste cyclable. Tous les 10 mètres, il y a un panneau, et l'automobiliste ne sait pas lire. Bon, c'est pas grave. J'ai raté l'embranchement pour reprendre la Vélodyssée. Donc, ça va, elle est pas loin. Il faut que je tourne. Vélodyssée et après Sable d'Olonne. La vache, on a déjà fait 30 km quand même. Hein. Quasiment, 29. Allez, 29. Donc 29 km, il est déjà 11h30. C'est chaud pour aller au Sable d'Olonne. Je crois que là, il nous reste 65 km. Hein. Il va pas falloir tortiller du cul. Hein. Comme m'avait dit un mec en entretien, on n'est pas là pour enculer les mouches. Hein. Génial. Il est presque 14h, il est 14h moins 6 minutes. On est à Saint-Hilaire-de-Ré, un truc comme ça. On a fait 45-46 km. Ah là là, j'ai pas roulé beaucoup. Et j'ai passé une heure et demie au téléphone. Bon, c'était un appel intéressant. Mais c'était long quand même. Une heure et demie, vraisemblablement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Vraisemblablement, j'ai trouvé un éditeur pour mon livre. Voilà. C'est sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque ça fait plusieurs mois que ça cherche et que ça traîne. La mauvaise nouvelle, c'est que par contre, bon, évidemment, il faut réécrire. Bon, ça, c'est pas grave. Il faut réécrire des choses, ouvrir certaines parties. Mais il faut livrer ça pour mi-décembre. Quoi. Donc, ça, par contre, c'est plus compliqué. Et ce qui me fait chier, c'est que ça va me travailler pendant le voyage. Quoi. Moi, j'avais annulé un peu tout ce que j'avais à faire jusqu'à la fin de l'année, à part 2-3 cours au mois de décembre, pour me dire d'être tranquille jusqu'à ce qu'il fasse froid pour qu'on ait le temps de faire un voyage tranquillou. Puis il y a ça qui vient. Quoi. Donc ça va demander un bon mois et demi de travail. Donc, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ça me fait un peu chier. Quoi. Donc c'est une très bonne nouvelle, hein, mais pour le voyage, c'est chiant. C'est très chiant. Donc on va voir. Je vais essayer de pas trop me prendre la tête là-dessus, parce que bon, je me connais, ça, je vais commencer à faire une fixette, je vais me dépêcher, je vais passer à côté de trucs que je voulais voir. Donc ça c'est sûr. Donc on va éviter de faire ça en fait, on va pas faire ça. Et puis on va essayer de calmer les choses, de se poser, de regarder. Probablement de changer un petit peu d'itinéraire, hein, quelques jours, ou de m'arrêter un jour de moins là où je voulais m'arrêter. Hein. Je voulais m'arrêter une semaine à Bordeaux, bon bah, ça sera peut-être pas une semaine, ça sera peut-être que 4 jours, ou 3, on verra. Mais bon, donc là, le parcours de ce matin, il était quand même bien sympa, le long de la Vélodyssée, qui est la route de Vendée aussi. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, la véloroute, c'est juste, ça relie des routes régionales. Parcours à travers les pins, les forêts de pins, et c'était quand même vachement sympa. Alors c'était très vallonné, ça monte et ça descend assez souvent, mais c'est très très amusant à rouler quand même. Je pense que sans les bagages, il y a moyen d'aller bien vite et de se faire des vrais petits plaisirs. Et puis là, on est arrivé à des endroits moins sympas. Voilà, ça ressemble à la Baule. Hein. C'est très moche, c'est des grandes plages, ça c'est pas gênant. Mais pareil, quoi, avec des barres d'immeubles le long du littoral, c'est affreux. Et ils en construisent encore des nouveaux qui sont affreux. Et je comprends pas cette volonté de continuer à avancer, de vouloir détruire des endroits où il n'y a pas encore de construction. Quoi. Je pense qu'on n'a pas encore compris, les gens n'ont pas encore compris qu'il fallait arrêter de construire des maisons sur des endroits où il y a du vivant. Mais bon. Soit. Donc là, on a 45 km pour aller au Sable d'Olonne. Il est 14h. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Mais on va essayer. Je vais essayer de pas me dépêcher. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est foutu. Je vais pas arrêter de penser que à cette histoire de livre. J'espère que dans les prochains jours, je vais réussir à m'en détacher. Mais c'est sûr que là, je vais pas réussir aujourd'hui. Ça va me trotter. Donc je vais moins profiter du voyage aujourd'hui, ça c'est clair. Par contre, il va falloir que j'apprenne à faire avec et que j'accepte que il faut que je fasse mon voyage et il faut que je profite de ce voyage. Sans que le travail ou des projets viennent empiéter là-dessus. Quoi. Le voyage est un projet en lui-même. Voilà. Et il doit avoir son propre temps. Voilà. Donc bon. Bon, j'ai expliqué au gars, il comprenait, il n'y avait pas de souci, mais il veut le sortir au début de l'année prochaine. Évidemment, je donne pas de nom pour l'instant, ça sert à rien. Ah là là. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'hier, il y a eu l'annonce du jeu sur lequel j'ai travaillé pendant presque 2 ans et demi. C'est beau ça. Ça s'appelle Riders Republic. Voilà, c'est fait par plusieurs studios Ubisoft, c'est mené par Ubisoft NC, et j'ai travaillé là-dessus un bon moment, sur beaucoup de sujets. Et voilà, le trailer qui est sorti, le trailer de jeu, de gameplay, était très très stylé. Et j'étais bien content de voir que ça avait avancé et que c'était stylé. Quoi. Parce qu'on a mis du cœur dans ce projet. Et sur le papier, il y a quand même quelque chose d'assez fantastique à proposer. Quoi. On verra ce qu'il en sort. Mais bon, je fais confiance aux anciens collègues. Ah là là, bon allez. À se remettre en route, boire un petit coup, et c'est reparti. Rythme effréné aujourd'hui. Ah, c'est forcément, si on passe 1h30 tous les jours à faire des coups de fil, on va jamais s'en sortir. Faut que je regarde où est-ce qu'il y a des campings. Tiens. Il est 19h18, et on a passé les Sables d'Olonne. Et oui. Les dernières portions étaient vraiment agaçantes. Quand il y avait beaucoup de gens et il y avait beaucoup de piétons sur les pistes. C'était des pistes partagées vélo-piétons et c'est chiant parce qu'il y a vraiment plein de gens. Et du coup, j'ai pas pu aller très vite sur pas mal de portions à la fin. Quoi. Et même des groupes de cyclistes et tout, ou des groupes de beaucoup de vieux. Et c'est chiant à doubler quoi, parce que c'est pas toujours très large et tout. Bon c'est pas grave, hein. Mais bon. Au moins il fait beau. Qu'est-ce que raconter quoi? Bah c'était joli, voilà, c'est tout. C'est très beau, la Vélodyssée dans cette partie au milieu des forêts de pins, après le long de la côte. Très belle côte, sauf quand on arrive dans les villes où c'est des stations balnéaires avec des immeubles de 6 étages en bord de mer. Ça, évidemment, vous l'avez compris, je déteste ça. J'espère vous aussi. Mais là, les Sables d'Olonne, coup-ci, coup-ça, quoi. Je dirais 4,5 sur 10, parce que, sachant que la boule, c'était 0,5 sur 10. 4,5 sur 10 parce qu'il y a quand même toute une partie, enfin ça dépend vraiment des quartiers quoi, il y a vraiment toute une partie où c'est pas mal. Le port ça va. Voilà. Après il y a des beaux aménagements, il y a des beaux aménagements cyclistes, il y a quelques jolies maisons en bord de mer. Et surtout, c'est pas une plage de sable blanc nulle. C'est pas mal de roches en fait. Assez plate, mais ça change vraiment du décor de d'habitude. Et ça, c'est quand même plutôt agréable. Et puis plus loin, il y a quand même pas mal de côtes sauvages avec des petites falaises. Et c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment joli. Bon, par contre, ça monte et ça descend tout le temps, quoi. Ici, hein, c'est assez... Ouf. Il faut s'accrocher. D'ailleurs, aujourd'hui, 104 km aujourd'hui. Alors, 104 km... Vitesse max 44,9 km. Vous voyez, vitesse moyenne 18,1. Ouais, forcément, il y a des moments où j'ai ralenti. J'ai roulé 5h30. Voilà, voilà. Et on a atteint une vitesse, une distance totale. On a passé hier les 1000 km. C'est quand même une célébration. Hier, 1000 km. Et aujourd'hui, on est à 1163,450 km. 1163 km. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Ça fait une sacrée distance, la hache. Bon, en théorie, tu fais ça en une journée en voiture. Hein. Mais on est d'accord que c'est pas vraiment le même intérêt. Voilà. Ah là là. Ben là, on va aller tranquillement. Donc je suis dans un camping, évidemment. On va aller tranquillement. Essayer de voir si je peux aller faire un petit pool dans la piscine. C'est une petite piscine. Une belle piscine même. Et puis après, il y a évidemment des activités. Donc ça, on va faire piscine. Après, on ira vite fait regarder le coucher de soleil. Parce qu'il y a un accès pour accéder aux côtes sauvages. Et puis après, on va revenir parce qu'il y a des activités ce soir au camping. Et pas des moindres. Attention. Pas des moindres du tout. On a. Alors à 20h, bon, c'est probable que je ne le vois pas vu que ça sera le coucher de soleil à 21h. Il y a un mini disco scène pour danser. Attention, avec le public qu'il y a là, ça va être quelque chose. Et surtout après, à 20h45, nous avons le droit à l'activité favorite du camping, le blind test. Alors je suis déçu parce que si on était venu dimanche, le dimanche, blind test, film et série. Là quand même, on sait que c'est là que je peux faire un carton, quoi. Mais bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est à les années 80. Voilà. Et on a eu la preuve la dernière fois au camping d'Adeline que les années 80, même si je connais les morceaux, c'est pas trop mon fort en termes de blind test, quoi. On connaît mieux, on connaît tous quelqu'un qui est fort à ça, autour de soi, et ben c'est pas moi, en l'occurrence. Donc voilà, je sais que je vais me faire pourrir, mais c'est pas grave, on y va pour le jeu, et puis pour voir le public, quoi. C'est surtout ça qui nous intéresse, c'est d'observer les gens qui y seront. Bon, j'ai un problème un peu gênant. C'est qu'en prenant ma douche, je me suis rendu compte que j'avais un peu la peau du sif irritée. Je dirais même enflammée. Donc demain va falloir faire un petit passage par une pharmacie. Parce que là, calmer de l'irritation, alors je sais pas, de la vaseline ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est vraiment le morceau du sif qui est le plus appuyé sur la selle. Dans la journée, où il y a le plus de frottement à mon avis, et ou en tout cas le plus de pression, enfin je sais pas, c'est là que ça tire le plus, et je pense que là, on n'est pas sur quelque chose de bien, et ça va pas se calmer tout seul si je fais 180 bornes, enfin 80 bornes par jour, quoi. Donc mauvaise nouvelle, il va falloir traiter ça rapidement, quoi, rapidement. Oh là, il y a déjà du son au bar. Tout va bien, c'est la partie disco. Mais il me reste à peu près 25 minutes de coucher de soleil. Donc c'est parti, coucher de soleil. Oui, tout. On va faire un petit test. À 3, vous allez tous me faire le hop hop hop. 1, 2, 3. Ouais, c'était léger, mais ça va s'améliorer par la suite. Ok, alors si tout le monde est prêt, est-ce que mon DJ est prêt? Mon DJ officiel va marquer les points au fur et à mesure. Et l'équipe qui s'en sortira avec le plus de points remportera un séjour pour 15 personnes pendant un mois aux Seychelles. Ah là, j'ai intéressé du monde. Ça vous intéresse? Oui, moi aussi. Alors attention, premier extrait. Un point pour l'artiste, un point pour la musique, DJ, c'est parti. C'était ici, c'était très rapide. Attention, ça va être une question de rapidité. Il y a beaucoup de musiques qui sont très, très, très connues. Oui. Abba, oui, c'est une bonne réponse pour l'instant. Il me faut le titre de la musique. Mamma Mia, Abba. Et c'est une bonne réponse. Et vu des joueurs très, très fair play, on va tous prendre sa main droite, sa main gauche et les taper très fort les unes contre les autres. Et normalement, quand on a une bonne réponse, vous êtes super. Voilà, on va être parfait toute la soirée, peu importe qui donne la bonne réponse. Même les mauvaises, on a le droit de les applaudir. C'est pas interdit. Et du coup, ici, le nom d'équipe, c'est toujours les Toulousains. Les Toulousains qui marquent donc 2 points. On continue, attention, extrait suivant. Très facile également. DJ, c'est parti. Oui. Oh, ça oui, là. Une des musiques préférées, monsieur, certainement. Un nom d'équipe. Les Ch'tis. Eh bien, les Ch'tis marquent 2 points, messieurs, dames. Yes, on a fini, on continue. Attention, prochain extrait, 2 points pour l'artiste, 2 points pour le titre. Extrait numéro 3, c'est parti. Oui. Blondie, Call Me. Eh bien, c'est une bonne réponse. 4 points. 2 points pour l'artiste, 2 points pour la musique. C'est une bonne réponse. Au restaurant, je crois qu'ils ont peur de jeter les frites en l'air, ils lèvent pas la main. Attention, prochain extrait pour 1 point cette fois-ci, pour l'artiste, 1 point pour la musique. Le suivant, c'est parti. Là, je crois qu'on est sur leur registre. Ah oui, ça joue en équipe. Il y en a un qui me dit le titre, l'autre, l'artiste. Eh bien, c'est une bonne réponse, Born to be Alive de Patrick Hernandez. Ça nous fait 2 points de plus pour les Ch'tis. Alors je rappelle aux autres participants de cette terrasse et du restaurant, vous avez le droit de participer. Ce n'est pas les Ch'tis contre les Toulousains. D'accord, tout le monde a le droit. Attention, extrait suivant. C'est parti. Un peu plus dur peut-être. Attends, oui. Paris Latino, oui. La Star Academy. Ah, faut choisir. Faut vous mettre d'accord. On valide ou pas? Il n'a pas l'air sûr. Bandolero? Bandolero, Paris Latino, c'est une bonne réponse. Et non pas la Star Academy. 2 points de plus pour les Ch'tis. Attention, on passe à l'extrait numéro 7 pour un total de 4 points. Mais 4 euros, donc 2 pour l'artiste, 2 pour la musique. Le numéro 7, c'est parti. Et si je vous souhaite une bonne soirée. Ah, je peux le voter du coup ? Bien sûr, madame. Oui. Et merci. On s'occupe de vous, monsieur ? Oui. Bonne idée, bonne réponse. On s'occupe de vous ? Oui, oui, oui. Oui, un nom d'équipe. Bonsoir, monsieur. Les nordistes, c'est vrai, je c'est bien. Les nordistes qui marquent un total de 4 points, Poneyem Rasputin. Attention, on va passer à l'extrait suivant. C'est parti. Lasciatemi cantare con la vita. Alors, juste, petite page de publicité, le temps que j'arrive à la table. Je ne sais pas si mon micro est juste ici. Non, c'est un, deux, oui, un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Je vous dis. Quatre minutes. Non. Reviens. Le titre. Je me suis emmêlé les pinceaux. Non. On a déjà 1 point pour l'artiste Tokuto. Main levée par ici. C'est pareil, c'est bon. Pas de soucis. On continue avec l'extrait. Il me manque l'artiste. Non, pardon, il me manque le... Oh, je suis perdu. L'artiste, le nom de la musique, pardon. L'artiste, c'est Toto Cutugno. Toto Cutugno. Ce n'est pas la famille du capital. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Ah, il y a eu un papa. Comment? Il y a danger pour l'étranger? Non. Ici, une proposition? Quand t'allais? Non, oui. Comment? Je vais l'accepter. C'est l'italiano. L'italiano tout court. Eh bien, messieurs, dames, donc, alors, je vais pas demander un nom d'équipe pour madame au restaurant. Les moules frites, ça vous va? Votre nom d'équipe? Ah, l'Alsace. C'est pas un combat interrégion. On a donc un point pour l'Alsace et votre nom d'équipe? Les Carcassonne. Alors un point pour Carcassonne et un point pour l'Alsace. C'était Toto Cutugno, l'Italiano. Ok, attention, on continue. Extrait suivant. C'est parti. Oui, c'était très rapide, justement, en Alsace. Le temps que j'y retourne. Oui, ça capte pas au fond. Et là, je... Mais on cherche pas le film. On cherche le titre et l'artiste. Qui avait levé la main après? DJ? DJ? C'était qui avait levé la main après? C'était facile. Rapid? Ouais. Et? Ou le chanteur? What a feeling, c'est déjà une bonne réponse, mais il me manque l'artiste.